il est là, on l'a finalement, Vincent. On l'a attrapé. On l'a attrapé. Hi Vincent. Hi, how are you doing? Hi, fine, thank you. Thank you very much for this interview. You're on air on the International Service of Radio Tunis, and the show is named Zanzana, which means noise. Noise, yes. Yeah, noise. I like it. Okay. So we're going to make the interview in English, and we're going to translate in French, because it's a French-speaking station, okay? Oui, bien sûr. Okay. Ah, il parle français. Ah, si tu parles français, c'est encore mieux. Encore mieux, mais mon français est un petit peu merde, oui. Ok, alors, we're going to do the interview in English, it's going to be a lot better. Yeah. Merci, mieux. Merci. Alors, Vincent, it's very big pleasure to have you here, and we are going to, on va être tous, comment dire, on est tous à l'attente, très excités, on va dire, de l'attendre pour le concert le 4 avril prochain à l'Acropolium de Carthage. Actually, we've been waiting for this concert for a long time, and we're thrilled, excited to have this interview. So and to having the possibility of seeing you next April 4th in Acropolium at Carthage. It's going to be wild, man. It's so exciting for us, the first time in Tunisia, first time in Africa and the continent. And I can't tell you how excited we all are. It's great. We're coming to Tunisia. Yes. Yeah. Great. Alors, je peux pas traduire avec le ton, mais il a dit ça va être super excitant pour nous. On y croit même pas qu'on va être en Tunisie, on va être même en Afrique. C'est super, on va partir en Afrique, on va partir en Tunisie. Pour la toute première fois. Et il est déjà venu hors concert, juste en touriste, se baigner un petit peu ici. Did you ever came to Africa or North Africa or Tunisia, a part of anathema? Just as a tourist, maybe. Well, only John. John was in Morocco for a holiday, and he travelled south. He got as far as the Sahara, where he rescued a little cat. Actually, rescued a little kitten, and saved its life. Well, that's and, nice. And transported it back to England and saved its life. Which that's the type of guy that John, our drummer, is. Really, he's just a kind soul. alors c'est John, l'armateur, qui est parti seulement en Afrique. Il est parti au Maroc. Où il est même parti vraiment au sud. Il est parti au Sahara, où il a sauvé un petit chaton, un petit chaton qu'il a sauvé et qu'il a ramené avec lui en Angleterre. D'accord. Est-ce qu'il a un feedback sur le nombre incroyable de fans qu'il a ici en Tunisie? So, do you have any feedback or? Do you have any idea of the number of people who are waiting for you here? I only know that the venue itself it takes just over 1,000 people or something. Mm-hmm. So I don't know if there's any more than that, but I guess it's going to be quite full. And I really, you have to tell me. We don't know what to expect. You have to tell me. Okay, so do you have any idea of how anathema is well known in North Africa or in Tunisia? No idea at all, I'm afraid. Okay, I'm going to translate. Alors, il a aucune idée de ce qui les attend ici, et puis il a aucune idée de comment ça va se passer. Il a aucune idée du nombre de fans d'anathema en Tunisie, ni en Afrique du Nord, je crois. Tout ce qu'ils savent, c'est que l'Acropolium prend 1000 personnes, voilà. Et ils pensent que ça va être vraiment rempli. Quoi. Bah, on va demander à notre ami Arme de lui donner le lien vers la page sur la Zanzana pour voir déjà rien que les réactions de tous ceux qui ont dit waouh, anathème en Tunisie, c'est quelque chose de dingue, hein, ça fait plaisir à voir. On attaque directement avec l'interview. Alors bon, finalement le concert du 4 avril, non, c'était juste les présentations en rendant les choses sérieuses. Bon, déjà le concert, on se présente déjà parce qu'on est en 3-3 à lui parler et comprend rien. C'est vrai que j'ai déjà fait les présentations en antenne tout à l'heure, donc allez-y, présentez-vous. So, moi c'est Karim. Okay, so me it's Wassim and I'm called W. My name is Amin and I'm just a guest here. So, hello Amin. Hey. Ça va? Très très bien, et vous? Alors, ah oui, bien. Déjà, pour le concert, qu'est-ce qu'on doit s'attendre à voir? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste est-ce que c'est une formation acoustique? Est-ce que c'est une formation qui est beaucoup plus rock classique? Est-ce qu'on va écouter rien que des extraits de l'album Insight? Est-ce qu'il va y avoir des extraits, un répertoire qui est beaucoup plus mélangé? Comment est-ce que ça va être? So for your live show next April 4th, what are we expecting? Are we expecting, I mean, just songs from Hindsight or a set list of various songs? Or are we expecting, anathema with a string quartet? Unfortunately, no quartet. But this time, we were going to play something from all the albums, so a mix of everything, really. It's the first time in Tunisia. We have to play songs from the first two albums as well as the last one, as well as the next one. You know, I think there's going to be a real mix of everything on there, something from each album. And it's a great set list, actually. It's, we'll play for as long as we can. We'll play for as long as they allow us to play, you know. We can play for 2.5 hours if you want us to, but we'll see on the day how long they give us. Okay, so just before I translate, you just told something like really interesting, which is some songs from the next album. So we're gonna speak about this later. Alors, il dit que puisque c'est la première fois que ça va être en Tunisie, puisque c'est la première fois que ça va être en Afrique du Nord, ils vont jouer des titres de plusieurs albums. Ils vont jouer même des titres qui vont être extraits des deux premiers albums, comme des titres extraits de Hindsight et des titres extraits des prochains albums. Ils disent qu'ils vont essayer de jouer le meilleur possible, le plus longtemps possible aussi. Ils peuvent jouer 2h30, même plus. Ça dépend bien sûr du public et de l'attente du public. Je crois que finalement, il dit qu'ils peuvent jouer 2h30. Je crois qu'on va les laisser jouer 2h30 à Ahmedar, même un peu plus d'ailleurs, je crois, ça c'est clair. Et juste une seule chose, ils ont dit que malheureusement, ils ne seront pas en quartet. D'accord, merci. Donc ça sera beaucoup plus un set un petit peu plus rock, voilà. Finalement, d'accord. Question W, puisque tu es le spécialiste. Speaking of the next album, actually, so you just told that you're gonna play some songs from the next album. Can we have a preview about these songs? Well, we're just doing usually about 2 or 3, you know, at the moment, because we don't want to reveal the whole album, you know, on YouTube before it's released, you know. So it's going to be just, besides as well, I mean, we've got 7 other albums to choose from, you know, so we have, from 7 albums and then stuff from the 8th album, you're already looking at more than 2 hours easily. So we're just going to try and mix it up and play everything we know. Yeah, but you know that all the classic songs, you know. You know that fans are always thirsty. So, alors il dit que ils vont jouer 2 ou 3 titres comme ils l'ont fait lors de concerts précédents, et puis ils vont pas jouer beaucoup de titres parce qu'ils veulent pas, ils veulent pas quand même dévoiler tout l'album maintenant et le retrouver après tout sur YouTube, ce qui ne m'étonnerait pas d'ailleurs. Donc ils ont cet album, ils peuvent vraiment varier les trucs, ils vont essayer de varier le maximum possible avec 2 ou 3 avant-premières. Amine, une question? Non, ça va pour l'instant, j'en ai pas encore reçu. So what about the other band's member, what are they expecting coming to Tunisia? You'd have to speak to them. I don't know. Probably expecting really good food, an excellent reception from everybody. I think with it being, I don't know if any other English bands like us have played in Tunisia before, but I expect that the reception that we get from the people of Tunisia will be amazing. And we're just coming there with open hearts and smiles on our faces, and we're going to play with absolute passion and give it 100% as we always do. So I think it's kind of a two-way thing. You get back what you give, so we're going to give it everything, and we hope the reception is equal to it. Actually, I can guarantee you this. So, alors il dit que je vais te poser la question de comment tous les autres membres attendaient, comment ils prévoyaient cette venue en Tunisie. Il devrait leur poser la question, mais pour sa part, il s'attend à une très bonne réception, et puis il s'attend à être reçu par un public très chaleureux. Ils vont se donner à 100% quant à eux, et donc c'est une question de giving and receiving, comme il a dit. Donc ce qu'ils vont donner, c'est ce qu'ils vont recevoir. Là, je dis qu'on peut garantir tout ça, et donc il s'attend à de grands sourires qu'ils vont attendre. Moi, je crois que c'est plutôt de grands cris qu'ils vont attendre. Et donc après, c'est à revoir, quoi. Voilà, alors I'm just there. Yeah. I'm really looking forward to meeting people from Tunisia. That's one of the things about this band. We don't stay in the backstage. We like to get out into the crowd, meet everybody. We like to be friendly with everybody, you know. I think it just makes for a more enriching experience, you know, for everybody. And it's our first time in Tunisia. We have to meet everybody. I can't wait to speak with people and see how they are and see what life is like over there, you know. We're going to bring more security people. So, alors, il dit que c'est pas un groupe qui est habitué à rester en backstage, donc il veut rencontrer des gens, il veut voir les gens en Tunisie commencer, il veut voir les métallos en Tunisie commencer, les fans d'Anathème en Tunisie commencer, et donc ils vont sortir, ils vont voir les gens. Ils vont descendre dans la foule, ils vont discuter avec eux, donc aux organisateurs, plus de sécurité. et puis donc moi je vous dis bonne chance quoi. Alors we're already receiving some feedback from auditors that are listening to the interview, and they say that 2.5 hours is not enough actually. And well, I had a question. They have to speak to the promoters then. Okay. Okay, we'll speak to them. Don't worry about that. Listen. I hope that this is only the first of many shows in Tunisia, because if this one goes well, then of course we can come back. You know, so it's really really important that the organizers and the band and everybody concerned just does, you know, the right sort of professional job and make sure it's a success. Because if it's a success, then we're going to come back, of course. So we can't, you know, we hope it's the first of many times in Tunisia. Yeah. Alors bon, tout simplement, ce qu'il a dit, c'était un petit message aux organisateurs, hein, tout simplement. Il leur a dit, il faut s'assurer que ce soit un succès, puisque si ça marche bien, et ça se passe comme ils le veulent, et bien tout simplement, c'est tout simplement le premier show d'une longue série à venir. Hein. Je crois qu'il y a Armat qui a 200 kilos sur les épaules. Ouais, il est en train de s'effondrer, il s'approche. Et donc moi tout simplement ce que je lui ai dit, c'est qu'on recevait déjà du feedback des auditeurs qui nous disent que bon bah 2h30 c'est pas assez, hein, tout simplement. Et alors il y a Vincent qui tu nous as dit que vous étiez en train d'enregistrer un album là actuellement. Ça fait longtemps qu'on attend vraiment du nouveau matériel de chez Anathema, hein, puisque bon, Inside quelque part c'est un petit peu comme un best-of, mais une manière de réorganiser, très belle d'ailleurs, de réinterpréter les titres. Mais c'est quand même depuis Natural Disaster 2003 qu'on a pas reçu de nouveau matériel, de nouvelle musique sur un album, sur un CD. Bon, on a eu droit à quelques titres sur Internet. À quoi on doit s'attendre dans le futur album de Anathema? Quelle sera la prochaine tendance? Puisque c'est un petit peu un groupe caméléon, hein, qui a varié les styles au fur et à mesure des années. Bon courage pour la traduction. C'est ce que j'ai dit. Tu as parlé pendant 1 minute 30. T'es fou, toi. Alors on va voir si elle a compris la question. Vincent, have you understood the question? A bit, yes. Talking about the new album. Yeah, yeah. Doing about the new album, because we know there's from 2003, you didn't get back with an album, a Natural Disaster. Hindsight, it's a sort of best of. Actually. It's a sort of best of, very beautiful best of, with another orchestration of the songs. But it's old material, you know, old stuff. So now you're recording a new album, and we know that Anathema is like a chameleon that always changes styles. So what we have to expect for the next album? Well, the sound is amazing. No producer, recording ourselves on our own studio, our own budget. Yeah. And the sound is the best we've ever had. Secondly, it's imagine a Natural Disaster and A Fine Day to Exit were a bit of a slow beginning, you know. And on this one, it's straight in your face, straight away. So it's more upbeat. There's a lot more faster songs on there. And there's a diversity of sounds and instruments that we've never used before. And we're doing a lot more with piano. We're using the vocals a lot more widely with female vocals as well as myself and Danny. There's a huge range of music. It's almost like each song has its own style of music, you know. Something like Angels Walk Among Us is a bit more of a classic Anathema vein. But there's something else called Storm Before the Calm, which is absolutely dark and hypnotic and very strange. And there's some things on there we've never done before. So we're surprising ourselves again, really. And I think it's by far the most professional sounding and better songwriting that we've ever done. I think these songs are by far the best we've ever come up with. Ok. Alors, il dit que déjà premièrement le son, il va être un nouveau, ça sera un nouveau son, sera un son super puisqu'ils ont enregistré dans leur propre studio avec leur propre budget, et puis comparé à Natural Disaster qui lui commençait un peu lentement, bah celui-là ça va être entre guillemets droit dans la gueule quoi, directement. In your face, c'est ça. Et donc ça va venir, ça va être plus rapide, ça va être plus énergique, et puis il y aura aussi beaucoup de variétés d'instruments, il y aura ils utiliseront beaucoup de trucs assez nouveaux, des voix un peu plus prononcées, et puis beaucoup plus de place pour les voix féminines. Donc les chansons comme par exemple Angel Walk Amongst Us, et puis qui elle est assez classique. On a une autre par exemple qui s'appelle The Calm Before the Storm, et ça c'est plutôt très très hypnotique comme il le dit, très très sombre dans ses mots. Et donc on attend de voir quoi. Moi, je me suis toujours posé une question, c'est comment ça se fait que depuis 2004 Anathema est un groupe qui est un des groupes majeurs hein, de la scène rock actuelle, est un groupe qui n'a pas de label, hein. Ça c'est un truc qui m'embête beaucoup. You know, Vincent, I'm asking myself a question: how Anathema, one of the best bands from the last 10 years, you know, in my opinion, and I think a lot of people think this, how a band like you don't have a label since 2004? Well, that's by choice, actually. The music industry has completely changed now. We don't need a label to record this new album, which means that the control is back with us. The ownership of the songs, the copyright of the songs is all ours. Yeah. So it means if we finish this recording the best we can possibly do, we are going to get a 10 times better deal than we could have done if we'd have gone with the label beforehand. So it's very important. I mean, you're only as good as your, I mean, let's say for example, you know, a lot of the European metal labels were interested in us. Lots of labels have been interested in signing us, but we did not want to take a contract because we want to complete our album first and then we start to approach labels. Because we're quite honestly, the songwriting now has gone onto a whole new level. It's in a new playing field. I don't think the European underground metal scene could have coped with this record. They can't. It's too much. It's too progressive now. Okay. And I don't mean that in a progressive rock way. I just mean like in Anathema's way, you know. Okay, you're giving us signs about the album. Il dit que ce qu'ils ont voulu faire, c'est pourquoi ils n'ont pas signé, c'est parce qu'ils voulaient enregistrer leur album avant. C'était un truc à eux, les compositions d'Anathema dernièrement, c'est passé à un niveau vraiment totalement autre quoi. Et donc ils n'ont pas voulu signer avec un label pour ne pas gâcher ces compositions là et pour ne pas gâcher l'écriture de l'album. Donc ce qu'ils ont voulu faire, c'est créer leur album, et puis après le montrer au public, après voir le truc des labels, parce que là, il y a plusieurs labels, grands labels de métal européens qui ont voulu signer avec eux, mais ils n'ont pas voulu faire ça, tout simplement parce que l'écriture de l'album était la plus importante. Et donc, il dit que par rapport à la scène metal underground européenne, un album comme ça, c'est un peu trop progressiste peut-être. Donc, ce qu'ils ont voulu faire, en résumé, c'est qu'ils ont voulu faire leur album et puis après revoir les labels. Ouais, surtout, ils ont. Yeah, exactement. Ouais. It's we have a saying in England that to sign a deal before recording this album would have been like putting the cart before the horse. You know what I mean? Yes, yes. You have to do things in the right order, in the right way. There's a similar thing in French. Mettre la charrue devant Yeah, yeah. Ouais, voilà. Ou vendre la peau de l'ours, tout simplement. Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. I have a question concerning concerning Hindsight. It was a pretty unplugged album, actually. And how do you explain this choice of almost an unplugged album for Hindsight, where there is nothing new, actually, apart the song Hindsight itself? Because was it more to touch a new public, to touch new people, to have new auditors, or was it more in a spirit of experimenting a new, something new, actually? Yeah, well, we'd been experimenting with that type of playing for the previous couple of years, and we wanted to record it, mainly for ourselves, to see how we could translate this new orchestration with cello, especially. Mm-hmm. So it's really a labor of love on our part. We wanted to translate these songs in a different way, to see them in a different light. But of course, it was a perfect springboard for the next album, because doing that album gave us a little bit more money to buy some equipment to record this album as well. So it was the best decision at the time. D'accord. En fait, j'ai demandé concernant le choix de Hindsight, qui est un album qui est assez acoustique, par quoi est-ce que c'était motivé? Est-ce qu'il voulait toucher un plus grand public avec ça? Parce que bon, à part c'est-à-dire la musique acoustique se vend assez bien, hein, faut le dire. Ou alors est-ce que c'était pour expérimenter de nouvelles choses? En fait, c'est un peu des deux, hein, c'est ce qui m'a répondu, c'est que d'une part, ça leur a permis de découvrir de nouvelles choses, de voir leur musique, les chansons qu'ils ont déjà enregistrées sous un autre point de vue, et puis parallèlement Hindsight, qui s'est très très bien vendu, leur a permis de produire leur prochain album, cet album que l'on attend, et puisque ça a fait de très très bonnes entrées, en fait, hein. Ouais. Il y a un certain nombre de questions qui viennent d'auditeurs, et surtout par rapport au Doom, hein. Ils étaient un groupe de Doom à l'époque et maintenant ils ont un petit peu évolué. There's some question about listeners, Vincent, that asked me about Doom metal thing, one of the question is how can you explain that basically every big extreme doom band that was active during the 80s progressively changed style to a more mellow sound? I don't know. I don't know about the 80s, and I don't know about doom metal. You're asking the wrong person, really. I don't know. I, when we recorded the first album, I was listening to the Beatles all the time. Yeah. So does that give you any idea? You know, listen, we've always been different. We've always walked our own path. We've never actually been concerned at all with what anybody else is doing. Yeah. I find a lot of the bands that started in the early 90s, along with us, they've a lot of them have gone back to their roots. Mm-hmm. And started playing, you know, their old songs again. I guess their experiments didn't work out, but we've been doing our own thing ever since we've started. You know, we've never really wanted to stay playing one type of music. Yeah. We're creative people. We push ourselves into new experiences, into new sounds and new ways of expressing ourselves. And we can't stop that. We have no choice about that. It's not a choice that we have to make. It's just natural. It's the only way for us. Okay. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il ne sait pas, il peut pas répondre à une question comme ça, puisqu'il sait pas de quoi l'éditeur il parle. Pour lui, la fin des 80, la fin des années 80, il écoutait les... 90. Les la fin des années... Enfin, ah, lui, quand il était jeune. Ouais. Oui, il écoutait les Rolling Stones. Donc, Les Beatles. Pourquoi je pensais aux Rolling Stones? Yeah, that's a very important distinction. Yeah, I know. I'm sorry. So, I don't know why I've been thinking about the Rolling Stones. Alors, il dit que lui, il écoutait les Beatles, et puis c'est vrai qu'à l'époque c'était ça ou ça. C'était la Grande Guerre. Hein. Ouais, voilà. Et donc qu'après peut-être qu'il y a plusieurs groupes qui sont retournés sur leur son d'origine, mais pour Anathema ça a toujours été comme ça. C'était une évolution. Il peut pas vraiment expliquer ça. C'est juste qu'ils ont continué à écrire et puis. Ça a évolué petit à petit, quoi. C'est bien qu'ils parlent des Beatles, parce que c'est vrai que les Beatles eux aussi, ils ont tout le temps évolué, hein, à chaque fois, à chaque nouvel album, c'était une nouvelle découverte, c'était un nouveau son. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il parle des Beatles alors que d'autres auraient pu citer les Pink Floyd comme influence. Vincent, it's interesting that you speak about the Beatles because the Beatles are themselves chameleon band that change styles from album to album, like yeah. you do. But people maybe could have think that you are more influenced by a band like Pink Floyd, you know, with the sound. All actually, the more actual song it reminds all Pink Floyd, I think. Yeah, yeah. Certain parts of Judgment and Alternative Four, I suppose. Yeah. But really, we don't want to sound like Pink Floyd. We don't want to sound like the Beatles. Yeah. We don't want to sound of course, like Radiohead. Of course, we don't of course. Want to sound like anything. Of these bands. Fact is, I think we have something in common yeah. with all of these bands, you know, that push themselves to create new things, that we're always changing, a chameleon, if you like. And I think it's the only way forward, really, for music, you know, for anybody who wants to be true to themselves. The minute you start writing music for either the critics or the public or anybody else, then you've lost your way a bit, because the true inspiration comes from deep within yourself, and you can't fake that. You cannot fake it. You have to be true to yourself. So that's why we do what we do. It's like I said earlier on, it's natural to us. It's second nature. It's the only way that we know. I mean, like, for example, the album that we do after this one, which will be the ninth album, is completely different again. You know, you're going to hear some things on that are going to really surprise you. And I think we'll always do that. We'll always be one of those bands that always, you don't know what to expect. Ok. Alors, il dit que ils n'ont jamais vraiment voulu copier des groupes comme les Beatles ou même Pink Floyd. Et puis, ils n'ont jamais voulu faire comme eux. Peut-être que le point commun entre ces groupes-là et puis Anathema, c'est que ce qu'ils veulent, c'est toujours écrire une musique, toujours essayer de changer, pas essayer de changer dans un sens obligatoire, mais toujours évoluer en écrivant la musique et toujours essayer de se donner au maximum, de passer à chaque fois d'un niveau à un autre. Et puis ils disent que ça, c'est très important pour des artistes de faire comme ça et d'écrire comme ça, d'écrire de la musique pour la musique, parce que ça qui va les garder vrais par rapport à eux-mêmes, parce que s'ils commencent à écrire de la musique pour les critiques ou de la musique pour le public, ça va fausser un peu la notion même d'artiste, et puis ça va fausser leur musique et elle va vraiment devenir de la production de masse, tout simplement. Yeah, exactly. I mean, like, I don't listen to genre music, you know. Yeah. I listen to, well, I like bands that are doing something new. Like, Radiohead still excites me because they've still got new ideas. Like, yeah. There's a new band from Australia called Pivot. I listen to Godspeed You Black Emperor. Listen to Tom Waits, Frankie Sparrow, Warp Records stuff, like Aphex Twin, Ortega, Square Pusher, Eamon Tobin. A lot of electronic music, and these are people who are out on the cutting edge of new ideas and new ways of not only writing songs or lyrics, but creating sounds, manipulating sounds and frequencies that actually mess with your head. I'm really into that type of thing. Okay, alors il dit que c'est vraiment ça. Il écoute pas tout ce qui est mass production. Il écoute pas tout ce qui est commercial. Il est plutôt il écoute beaucoup plus de groupes qui font beaucoup plus dans l'originalité et puis je vais comparer ça au cinéma d'auteur, dans la musique d'auteur tout simplement. Et des groupes comme les Radiohead, comme les Squarepushers, les Godspeed You Black Emperor, c'est des groupes qui essaient toujours d'innover, des groupes qui sont à la pointe côté originalité, qui essaient toujours d'innover, d'apporter leur propre son, qui essaient de varier les trucs et qui expérimentent, et généralement ça donne quelque chose de très intéressant. Et puis tout à l'heure aussi il avait dit que par exemple pour le prochain album, celui qui va être après celui-là, donc le 9e album, pour ce 9e album là, ça va être vraiment très différent aussi côté chanson, et ça va surprendre beaucoup de monde. Et donc il dit que Anathema, en fait, c'est un groupe, c'est un de ces groupes qui surprend toujours ses fans, et c'est un de ces groupes qui restera toujours dans ce contexte là de surprise, et puis il fera toujours ça. Alors, on a parlé beaucoup de musique, hein. Moi, ce que j'aimerais aussi, on en profite, on a Vincent avec nous, c'est de parler des paroles, les thèmes, les lyrics, hein, et qu'est-ce qui les inspire à l'écriture, c'est quoi leur, est-ce qu'ils ont une muse, quels sont les thèmes qui les touchent, quels sont les thèmes qu'ils vont aborder dans le prochain album, hein. We spoke a lot about music, let's talk about the lyrics now. What are the allez, traduit. So, c'est plus difficile pour moi. Just about the lyrics. How about the next album's lyrics and what is your muse? Your muse, as said Karim, is what are you gonna speak about on the next album? Is gonna be love, despair, or depression? Quels sont les trucs qui les touchent? And what does affect you? When you're writing, when you or Danny are writing lyrics, and how do you do that? It's the biggest experiences in your life, the life-changing experiences that you write about, the things that really mean so much to you that you can't really speak about them in general conversation. It's sometimes too difficult, especially if you're from the north of England, where, and you're a man, you know, then conversation about these type of things is not easy. It doesn't always come naturally, but for some reason it's easier to write about sometimes than it is to talk about. I guess everybody knows that we always write heartfelt, touching lyrics that are deeply personal. But this time round, I think there is less depression in the band. I think there's always going to be that dark, twisted edge to some lyrics, but I don't think we're going to dwell too much on that, because after all, this is, I mean, your lyrics are your mirror, really. There's nothing more revealing that you can do as a singer or as a writer. It's, you're opening up your soul for everybody to see, you know. So it's not something that I have to explain. It's already there, you know, because once you've done it, you can't say it any better than that. You know, so it's up to everybody else to listen to it afterwards, find out what it means to them. Sometimes I find it more rewarding to hear other people's interpretations of our lyrics and see, you know, how a certain song has touched them and what it means to them. You know, we've got a lot of songs about personal heartbreak and that type of thing, and everybody's been through these things. You know, everybody's lost somebody close to them, whether in death or in love or whatever. And sometimes it's nice to hear other people's stories. Mm-hmm. Okay. Alors, ce qu'il a dit, c'est c'était assez, enfin, je dirais pas personnel, mais assez profond. C'est que les paroles, généralement, quand il écrit les paroles, au fait, je vais traduire ce qu'il a dit à la fin, c'est que les paroles, c'est vraiment le miroir de la personne, le miroir des membres du groupe, et puis c'est ce miroir-là, au fait, on peut pas le changer. Ce miroir-là, en fait, c'est ce qu'on peut faire. Et puis, pour ces paroles-là, par exemple, surtout quand on est un homme et qu'on vit dans l'Angleterre du Nord, on peut pas en parler très facilement avec tout le monde. Donc, les paroles, c'est une sorte de refuge, d'échappatoire qu'on utilise pour parler des choses-là. Et après, chacun, bien sûr, interprète à sa façon. Ça l'intéresse beaucoup, d'ailleurs, de savoir comment chacun a interprété les paroles. Mais il insiste sur le fait que ces paroles, au fait, ils les écrivent. Ça vient comme ça. C'est des expériences de la vie, au fait, de la vie de tous les jours. Et ce qu'ils font, c'est écrire des paroles comme ça, des expériences de la vie de tous les jours. Que ce soit amour, que ce soit désespoir ou cœur brisé. Mais par contre, il dit que pour le prochain album, ça va être moins dépressif côté paroles, et ça va être un peu autre chose, quoi. Qu'est-ce qu'il sent lorsqu'on lui dit que ces chansons touchent ceux qui les écoutent au plus profond de leur âme, surtout des chansons, il y a des chansons qui vraiment tapent très très fort dans le psyché. So how do you feel when people or we, for instance, say to you that your song's lyric actually are extremely touching and really, really, really deep, and they affect a lot of people? I feel humbled. Thank you. I can only wish anybody the best in that case, because if they've been through the same things that we've been through, then they have not always been happy in their lives, and they have not, well, they've obviously been through some of those experiences, and anybody that goes through that, my heart goes out to them, really. That's all I can say. I hope you're better now. And, you know, it's not just, you know, it's very, very important to us, you know, that it's extremely important to us what other people feel. So I'm touched myself that other people can feel this way about our songs. Ok, alors il est vraiment très honoré, et puis d'une façon bien sûr très humble, que les paroles touchent les gens du plus profond, et puis il sent que si les gens ont réussi, si ces paroles-là ont réussi à toucher des gens, c'est qu'il a réussi à faire passer son cœur à ces gens-là, et il en est vraiment très honoré, et puis ça lui fait extrêmement plaisir, quoi, mais toujours d'une façon très très discrète, très humble. Dernière question, Amine. Just one last technical question, more or less. Do you have any visual effect that is prepared for the show itself, knowing that you're going to play in a very big church? I don't know if you knew that already. Wow, is it a big church? Man? Yeah, an old church, yeah. Wow, cool. So, have you prepared anything special for like the visual part of the concert, or is it just like a musical show? Well, we can't bring any visuals with us because, you know, of restraints with the flights and everything like that, you know, it's impossible. So we're just going to bring ourselves and our music, and we're going to make it up as we go along. I'd love to have a visual show, but maybe we could speak to the promoters and they can organize some cool lights and maybe get the atmosphere just right. They're here, they're listening. The atmosphere for Anathema concert is really, really important on the lights, but we don't have the money, you know, to pay for a light show like Pink Floyd. Yeah, of course. It's not going to be Pulse, we know that. So, one... So we'll see, and a church, that's beautiful, man. That's beautiful. Okay, it's going to be like the really last question, because we're going short on time. We're having the news in so 1 minute. Okay. Just about your next album, and just answer by this or this. Is it going to be more like Closer, or a bit more like Pulled Under? It's going to be like none of these. None of, okay. Thank you very much for this. Vincent, thank you very much for this interview. It was thank a big, big, big much, pleasure. Great pleasure, and welcome in Tunisia. Welcome. We're looking forward to seeing you on April 4th here in Tunisia. Maybe even earlier than that. And we've been like really honored to have you here on our show. And I have to say something, because some friends of mine went like really harassing me about this. So they say hi to you. Their name are Donia and Sabri, and they say hi to you. I have to say this to you. So thank you very much. Thank you very much. Merci à Vincent Kavana pour cette interview. Ça a été vraiment un très très grand moment de... C'était quelque chose pour nous, hein. C'était fort, hein. Ouais, ouais. C'était super. Génial. La Zanzana se poursuit dans quelques minutes. Tout de suite, les news avec Sonia Attar.